Vous êtes sur les ondes de CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Nous commençons donc l'émission avec un sujet d'actualité, l'intimidation à l'école et surtout l'ampleur que lui donnent les réseaux sociaux. Alors, le 30 septembre dernier, Alan Johnson, qui est directeur des services cliniques en français chez Jeunesse Écoute, soulignait dans un communiqué de presse que de plus en plus de jeunes appellent cet organisme pour aborder le problème de la cyberintimidation. Donc, la cyberintimidation, c'est un sujet qui préoccupe la commission de l'éthique en sciences et en technologie. On en a d'ailleurs déjà parlé à l'émission. Et pour nous en parler à nouveau, eh bien, j'accueille Joannick Magui-Tremblay, qui est responsable des communications à cette même commission. Bonjour, Madame Magui-Tremblay. Bonjour. Alors, comment la commission interprète le fait que de plus en plus de jeunes appellent Jeunesse Écoute pour parler de cyberintimidation? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, d'abord, je pense qu'il faut absolument rappeler la difficulté à évaluer dans le monde réel les impacts de l'intimidation qui, elle, prend place dans le monde virtuel. La commission soutient qu'il ne faut pas conclure à la catastrophe trop rapidement. Là. Que les jeunes veuillent aborder davantage la cyberintimidation, ça ne veut pas dire que l'intimidation chez les jeunes augmente. Là. On comprend cependant que l'intimidation chez les jeunes, depuis quelques années, se transforme, oui, ou plutôt qu'elle change de véhicule. Peut-être que le phénomène de la cyberintimidation est en hausse, oui. Peut-être que les jeunes dénoncent davantage. Peut-être les deux. Peut-être aussi que le phénomène est en baisse, mais que le nombre de dénonciations explose, tu sais. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr et certain, en tout cas pour la commission, c'est que les jeunes sont de plus en plus sensibles et conscients des ravages de la cyberintimidation. Bon, on va avouer que l'intérêt médiatique qui est évidemment pour beaucoup, et on en est content, on s'en plaindra ouais. pas. Mais je pense que c'est important de souligner aussi les implications des différents milieux contre la cyberintimidation. Aux yeux de la commission, le fait que les gens se sentent concernés, responsables, en somme, la participation citoyenne, c'est positif ouais. pour elles et ça annonce un avenir clairement réfléchi. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on y réfléchit au moins. On ne laisse pas le problème de côté. Et voilà. Voilà. Donc, la cyberintimidation, c'est un sujet que la commission suit depuis des années. D'ailleurs, mm-hmm. en 2009, vous aviez publié un avis et dans cet oui. avis, vous aviez souligné combien il était nécessaire que les différents milieux comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Sécurité publique, les enseignants aussi, évidemment. Donc, tous ces milieux-là s'impliquent pour contrer le phénomène de cyberintimidation. Et dans ce sens, vous aviez formulé des recommandations, si je me souviens bien. Absolument. Et alors, on peut se demander, là, 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est de ces recommandations? Est-ce qu'elles ont été écoutées par les différents milieux? Donc, une de ces recommandations, c'était que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, de concert avec les fonds subventionnaires québécois, encourage la recherche sur les causes et les effets de cette cyberintimidation afin qu'on comprenne mieux le problème, d'où est-ce que ça vient. Alors, est-ce que les choses ont avancé de ce côté-là? Pour répondre à votre première question, je peux vous dire que le bilan de la commission est particulièrement positif en ce qui concerne ces recommandations pour contrer la cyberintimidation. Ensuite, en ce qui concerne l'encouragement de la recherche par le MELS puis les fonds subventionnels. Le MELS, c'est le ministère de l'Éducation, du Loisir et des voilà, Sports. Voilà, je vais vite sur l'acronyme. Alors, cette recommandation a été mise en œuvre. Par exemple, on peut souligner la création de la chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif de l'Université Laval. En fait, le ministère de l'Éducation finance la chaire pour un montant d'1 million $ sur une période de 5 ans. C'est considérable. Donc là, on devrait voir des résultats sortir de ces recherches-là. Oui. Et du côté du ministère de l'Éducation, la commission recommandait aussi qu'ils mettent sur pied des campagnes d'information et de sensibilisation afin de faire connaître la problématique de la cyberintimidation dans la société également. Oui, et c'est une recommandation également appliquée. Puis, d'emblée, je pense à la stratégie du gouvernement sur l'intimidation. Pour la nommer, il s'agit de la stratégie gouvernementale de mobilisation de la société québécoise afin de lutter contre la cyberintimidation et la violence à l'école. Mm-hmm. Un long nom. Oui. Et donc, depuis, vous avez certainement vu, d'une part, les publicités à la télévision, sur le web, c'est des vrai. Affiches, même la création d'un site web qui est moijagis.com, sur lequel on peut s'informer, trouver de l'info, D'accord. Et donc, je disais, il y a plusieurs milieux qui peuvent intervenir pour contrer la cyberintimidation. Donc là, on a vu les recommandations qui concernaient le ministère de l'Éducation, mais il y a aussi, on peut penser au ministère de la Sécurité publique. Il était notamment recommandé que ce ministère encourage l'intervention policière auprès des jeunes dans les cas de cyberintimidation. Est-ce que ça s'est concrétisé? Absolument. Mais déjà en 2005, donc bien avant l'avis de la commission, plusieurs corps de police avaient joint leur voix, puis avaient créé à l'époque le programme de prévention Vounet, N-E-T, ouais. Genou, pas seul. Donc, le programme a fait le tour de la province, même du pays, a été exporté ailleurs dans le monde aussi. Et donc, ça consiste en ce que les policiers se trouvent à rencontrer les jeunes et même leurs parents dans les écoles et leur expliquent le phénomène. Ils leur donnent des conseils de prévention, des pistes de solutions, etc., etc. Et donc, ce qui est le plus intéressant, c'est que leur approche est basée sur la réalité. Ils utilisent des cas concrets. Vraiment, c'est saisissant. Mm-hmm. En plus, le programme est tenu à la page, si je peux me permettre l'expression, ce qui rejoint du coup une autre recommandation de la commission, selon laquelle on disait qu'un document devrait être produit pour outiller les acteurs scolaires, des services sociaux, milieux communautaires, police, pour qu'ils soient en mesure d'agir dans les cas de cyberintimidation. D'accord. Et bon, enfin, parmi les milieux qui peuvent s'impliquer, il y a forcément le milieu scolaire, donc les conseillers pédagogiques, les enseignants, il leur était profiter en quelque sorte du programme d'éthique et de culture religieuse au primaire et au secondaire et aussi du cours d'éthique et politique au collégial pour discuter avec les jeunes de cyberintimidation. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'ils ont réussi par ce biais-là à en parler, à ouvrir le dialogue avec les jeunes? C'est difficile de dire si les conseillers enseignants sont encouragés par quelqu'un. Ça, c'est clair, on n'a pas de chiffres à ce sujet-là, mais le fait que la commission reçoit plus que jamais des demandes de collaboration à des événements pour lutter contre la cyberintimidation, ben pour la commission, ça signifie que l'évolution, il y a une évolution dans l'intérêt des enseignants à réfléchir sur le sujet. Ça explique par ailleurs pourquoi la commission est si active dans le dossier. Mais est-ce que ça a vraiment lieu dans les... dans les cours d'éthique et de culture religieuse? Pas forcément, c'est ça. Je vous dirais que ces derniers temps, c'est davantage les psycho-éducateurs qui vont faire appel à la commission. Donc, par exemple, bon, parlons-en de ces actions que la commission fait avec les écoles. Comment, ça ressemble à quoi? Quoi de mieux qu'un exemple? Ben oui! Comme on dit. Je pourrais vous parler, en fait, d'un exemple qui a eu lieu il y a quelques jours à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. En fait, il s'agissait du lancement d'une page Facebook de leur comité intimidation. Donc, c'est le comité qui s'occupe de l'intimidation. Au sein de l'école? Oui, à l'école. Et donc, bon, voilà, ils lançaient une page Facebook sur laquelle on peut faire de la dénonciation, aller chercher des renseignements. Bon, et lors de ce lancement-là, la commission a présenté la pièce de théâtre Topnet du théâtre parmi nous. Il y a eu l'intervention d'une policière, une conférence également pour les parents le soir. Bref, toute la journée a été là pour discuter puis réfléchir sur la cyberintimidation. Et donc, c'est ça, dans le cadre d'un tel genre d'activité, la commission fournit à l'école des affiches, des dépliants, des signets. Elle va même, à l'occasion, financer une partie des représentations de la pièce de théâtre. Oui, cette pièce de théâtre, c'est une pièce qui porte sur la cyberintimidation? Absolument. D'accord. D'information et de sensibilisation, D'accord. Donc là, c'est toute une panoplie de moyens pour illustrer la cyberintimidation, les dépliants, les affiches, la pièce de théâtre. Je ne sais plus lesquelles autres vous avez citées. Oui, on peut faire également des conférences sur mesure. Tu sais, en fait, le but de la commission, c'est de répondre à un besoin aux écoles, entre autres, pour aider à informer et à sensibiliser les jeunes, parce qu'on considère que c'est de réfléchir ensemble, en unissant nos forces, qu'on va finir par arriver à quelque chose avec le phénomène. Et j'imagine que pour plus d'informations, on peut trouver ces documents, ces dépliants sur le site de la commission? qui est le éthique.gouv.qc.ca. Tout simplement. Puis, je rappelle que tout notre matériel est gratuit. Oui. Ça vaut la peine d'en profiter et d'unir nos forces, comme on dit. Ça a l'air cliché, mais en même temps, c'est la réalité. C'est là, ça, c'est la réalité qu'on en, on en parle dans les médias parce qu'il y a des cas, des fois, dramatiques. Puis, il y a tout ce qui ne se dit pas et qui devrait se dire. Voilà. Voilà. Donc, aussi bien un appel pour les jeunes ou pour les enseignants ou pour les parents, finalement. Exactement. D'accord. Bien, merci beaucoup, Madame Maggie Tremblay, d'être venue nous en parler. Et comme je le disais, des fois, la science et la technologie, ça nous rattrape un peu dans la vie quotidienne. Et on voit, on en voit un bel exemple avec l'usage questionnable de certaines technologies de l'information. Alors, merci beaucoup, Madame Maggie Tremblay. Je rappelle que vous êtes responsable des communications à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci d'être venue nous voir. Bien, merci de m'avoir invitée. Et maintenant, on va passer sur un ton plus léger, une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle du sommet Rio plus 20.